Chapitre 25e. L'ordre de marche disait que la compagnie devrait être à Joinville le 29 novembre à 5h du matin. On se mit en route à 3h, sans bruit. Le temps était doux, et la nuit annonçait une belle journée d'hiver. À chaque instant, des lueurs fulgurantes éclairaient le ciel, et des détonations lointaines ou rapprochées éclataient de tous côtés. Il semblait que, sur tout le périmètre de l'enceinte, les forts avaient commencé la canonnade des positions de l'ennemi. Une grande bataille se préparait-elle ou bien était-elle déjà engagée? Et l'on marchait gaillardement. Cependant, il y avait des esprits sceptiques qui disaient qu'on ne ferait encore rien, et qu'après une reconnaissance, on rentrerait dans les lignes, le but qu'on se proposait ayant comme toujours été atteint. Mais ceux qui parlaient ainsi ne le faisaient que timidement. L'heure de la critique était passée. Celle de la confiance avait sonné. On ne voulait plus écouter ceux qui doutaient. En arrivant à Joinville et après avoir lu les proclamations du gouvernement et du général Ducrot, il n'y a plus que des enthousiastes. Les incrédules gagnaient et entraînaient crient plus fort que les autres. Vous voyez bien, c'est la grande trouée. Mort ou victorieux. Tous les cœurs sont gonflés de joie et d'espérance. Rares, très rares, sont ceux qui osent dire à mi-voix ce qui se prépare. C'est une leçon assez solide pour que le peuple en garde la mémoire. Toutes les troupes sont concentrées et les forts continuent leur terrible canonnade. C'est une succession sans relâche de détonations. Plusieurs centaines de canons tirent en même temps. Le ciel est plein de flammes, comme dans une nuit d'orage. Une fumée rougeâtre enveloppe Paris. C'est à peine si, de temps en temps, les batteries prussiennes répondent à cette attaque et c'est seulement à l'approche du jour qu'on aperçoit quelques jets de feu s'abattre vers Paris. Quand l'action s'engagera-t-elle? On attend, et tout le monde est prêt à marcher. Jamais armée assurément n'a été plus impatient de faire parler la poudre. Cependant, l'aube blanchit et l'ordre n'arrive pas de marcher en avant. Lentement, le jour se fait et les forts environnants activent leur feu. Dans le sud, la fusillade et les mitrailleuses se mêlent aux détonations du canon. Mais pourquoi la bataille ne s'engage-t-elle pas? Les heures s'écoulent, on reste en place. De vagues rumeurs se répandent. On dit que les ponts sur lesquels on devait passer la Marne se trouvent trop courts. Ils ne sont pas trop courts, mais ils ont été emportés par une crue subite de la rivière. Une crue, il n'y en a pas. La rivière coule dans son lit comme à l'ordinaire. Ce n'est pas une crue, c'est le vapeur qui devait remorquer les chalands, qui se trouve trop faible pour remonter le courant. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on ne traversera pas la Marne ce jour-là. Alors une clameur générale s'élève. Il y aura donc toujours incurie ou incapacité. Quand ce n'est pas d'un côté, c'est de l'autre. Si les généraux sont prêts, les ingénieurs ne le sont pas. On crie à la trahison. Plus l'élan a été puissant, plus l'arrêt est violent. Plus l'enthousiasme a été grand, plus la colère qu'il remplace est furieuse. Quelques-uns pourtant se consolent en disant que ce qui est manqué un jour peut se reprendre le lendemain. Mais on répond que maintenant l'ennemi est averti, que déjà ses renforts sont en marche, et que le lendemain, si on risque l'attaque, on marchera à un échec certain. Cependant, on la risqua le lendemain, cette attaque, et comme on devait le prévoir, on trouva les Allemands prêts à se défendre vigoureusement, bien préparés, bien approvisionnés. Tous ceux qui, dans l'armée française, avaient le sens de la guerre ou qui simplement connaissaient le pays, savaient quelle résistance ils allaient rencontrer. Au-delà de la rivière, une plaine dans laquelle l'ennemi, contrarié par les obus des forts, n'avait pu s'établir solidement. Mais au-delà de cette plaine, une série de coteaux défendus par des tranchées et des batteries fixes, des ouvrages en terre, des villages, des maisons, des murs crénelés. Au nombre de ceux qui comprenaient les dangers de l'entreprise, se trouvaient le colonel et son oncle. Le colonel, parce qu'il avait l'expérience de la guerre, Antoine, parce qu'il avait 100 fois parcouru ce pays et qu'il savait tous les avantages qu'il pouvait offrir à une défense habile. Ils avaient couché dans une maison abandonnée avec une partie des hommes de leur compagnie, entassés 40 ou 50 dans une petite salle à manger, où, en temps ordinaire, 12 convives se seraient trouvés trop tassés. À 2h du matin, le canon et les obus les réveillèrent. Les forts avaient repris leur canonnade et la redoute de la faisanderie tirait par-dessus leur tête. Couchés à côté l'un de l'autre, ils s'éveillèrent en même temps. Allons voir ce qui se passe. Comme ils n'étaient pas éloignés de la porte, ils purent sortir sans écraser trop de mains et sans heurter trop de jambes. Devant la maison s'étendait un jardin qui descendait à la rivière. Ils gagnèrent une terrasse d'où la vue n'était plus bornée par les maisons. Le ciel était en feu, et l'on voyait tous les forts et les batteries de nos gens, d'Avron et de la faisanderie, lancer leurs flammes sur la rivière, qui par moments s'illuminait de lueurs rapides. Dans le sud, on ne voyait pas les feux, mais on entendait les détonations qui roulaient sans interruption. Dans le village même, et au-delà, dans le bois, s'élevaient de vagues rumeurs. Pendant que le colonel regardait la rivière, tâchant de voir, à la lueur des coups de canon, si plusieurs ponts avaient été établis, il se sentit prendre la main. C'était son oncle qui la lui serrait. « Mon neveu, dit Antoine, l'heure est venue de nous faire nos adieux, car plus d'un parmi nous ne verra pas la nuit de demain. Mais, mon cher oncle, cela n'amollit pas le cœur, au contraire, cela le raffermit. Vous savez bien que j'ai toujours eu le besoin d'arranger mes affaires en vue du départ, celles du cœur surtout. Si nous ne nous, nous revoyons pas, je veux que vous sachiez que j'avais pour vous l'amitié d'un père et que j'étais fier de vous. Oui, Édouard, fier de vous, comme l'eût été votre père. Mais nous nous reverrons, mon cher oncle. Je me suis trouvé à 20 combats, à 4 grandes batailles, et me voilà. J'espère aussi que nous nous reverrons. Mais enfin, je voulais dire ce que j'avais sur le cœur. Si cependant nous ne nous retrouvons pas, je confiterai à votre loyauté. Elle sera ma sœur jusqu'au jour où elle sera ma femme. Embrassons-nous, mon oncle. » Ils s'embrassèrent. « Allons rejoindre nos camarades, » dit le colonel, « et apprêtons-nous à marcher. » Le colonel était un homme pratique. Pendant que la plupart de ses camarades dormaient encore, il força son oncle à partager avec lui une tranche de lard. « Déjeunons, » dit-il, et gaiement, il mangea sa tranche de lard avec une grosse miche de pain. Puis, ayant remis ce qui lui restait de pain dans son sac, « Maintenant, dit-il, je marcherai jusqu'à demain, s'il le faut. À la guerre, c'est l'estomac qui donne du cœur, et je vous assure que quand on marche contre une batterie, ceux qui ont mangé marchent mieux que ceux qui sont à jeun. » Plusieurs ponts ayant été établis, la rivière fut facilement et rapidement franchie par une partie de l'armée. La terrible canonnade de la nuit avait refoulé les Prussiens et les avait obligés à abandonner la plaine qui se trouvait balayée par les canons des forts. Le carrefour de la Fourche, qu'ils avaient toujours et malgré tout occupé, était lui-même libre. Mais, à une petite distance de la Fourche, se trouve un bois dans lequel ils étaient retranchés en construisant des barricades qui fermaient la route. Des barricades, pour des Parisiens, c'était un plaisir. Le bois fut vivement emporté. Michel marchait en tête de la compagnie. Mais il n'avait pas besoin d'exciter ses hommes. L'élan de tous était irrésistible, et il fallait plutôt les avertir de se modérer que les pousser en avant. Avec son oncle et quelques-uns de ses camarades, le colonel s'était jeté dans le bois, au lieu d'attaquer la première barricade de front. Surpris par cette irruption, quelques Allemands n'eurent pas le temps de se replier et furent entourés. « Rendez-vous !» cria Antoine. « Jetez vos fusils !» cria le colonel en allemand et sans s'arrêter. Quelques-uns obéirent, mais un sous-officier ajusta Antoine. D'un bond, le colonel sauta sur lui et tous deux roulèrent à terre. Le coup de fusil était parti, mais il n'avait blessé personne. « Ne le touchez pas !» cria le colonel à ses camarades. « C'est un brave homme, vous auriez fait comme lui !» Il fallait se diriger vers la route pour remettre les prisonniers à ceux qui pouvaient les emmener. Au moment où ils sortaient du bois, un officier d'état-major arrive au galop. « Qui a fait ces prisonniers » cria-t-il. « C'est Édouard !» répondent 4 ou 5 voix. Mais comme s'il n'écoutait pas cette réponse, l'officier donne l'ordre aux hommes qui l'entourent de débarrasser les avenues et la route des obstacles qui les barrent pour faire passage libre aux troupes qui arrivent, ainsi qu'à l'artillerie, dont on entend le formidable cliquetis à une courte distance. Mais tout en ne paraissant pas attentif à la réponse qu'il avait provoquée, il l'avait parfaitement entendue. « Où est-il, Édouard ? » demanda-t-il en regardant autour de lui. À ce moment, le colonel fit 2 pas en avant et portant sa main à son képi. « Le voilà » dit-il. L'officier, qui ne l'avait pas vu jusque-là, le regarda avec stupéfaction, puis, levant les bras au ciel avec un mouvement de surprise, « Comment, vous ? » s'écria-t-il. « Eh oui, moi, mon cher Gaston, vous, soldat, au bataillon des volontaires de Paris, première compagnie. » Et ils se serrèrent la main avec joie, heureux de se retrouver sur le champ de bataille. mais il n'y avait pas de temps à donner aux épanchements ni au bavardage de l'amitié. La terre tremblait sous le roulement de l'artillerie qui, les ponts traversés, arrivait au galop pour prendre position. Les côtes de Joinville et de Nogent étaient noires de troupes. Et à chaque extrémité, d'un côté la faisanderie, de l'autre Nogent et Avron, apparaissaient enveloppés dans des nuages de fumée blanche tirant sur les batteries allemandes. Dans le ciel radieux, les obus faisaient entendre leur sinistre sifflement, comme si une tempête venait de se déchaîner. Les détonations des grosses pièces de marine, le roulement des canons sur la terre sonore, la fusillade, les cris des hommes, le souffle des obus, tout se réunissait en un fracas formidable qui assourdissait l'oreille. « À ce soir !» cria Gaston de Pompéran. « Au revoir !» Et après s'être serré la main dans une dernière étreinte, ils se séparèrent. « En avant, mes enfants !» cria Gaston aux troupes qui arrivaient. Et les volontaires, s'étant débarrassés de leurs prisonniers, s'élancèrent au pas de course pour rejoindre leur compagnie, qui avait continué d'avancer rapidement, sans rencontrer nulle part une résistance sérieuse capable d'arrêter leur élan. Cependant, les Allemands ne se sauvaient point. Mais, pour employer un mot dont on a si souvent abusé dans cette guerre, ils se repliaient. Ce terrain sur lequel on les attaquait n'était point, en effet, celui sur lequel ils voulaient accepter la lutte. C'était celui des grands gardes, qui devaient non combattre, mais se retirer sur la ligne de bataille, située à 1000 ou 1500 mètres, sur un terrain découvert et battu de tous côtés. En arrière de cette ligne s'en trouvait une autre, la ligne de retraite, établie de telle sorte qu'on ne put l'attaquer et la contrebattre en même temps. Pour ceux qui connaissaient ces dispositions des Allemands, ce premier avantage n'avait pas grande signification, puisqu'il n'y avait pas eu de véritable résistance. Mais pour la plupart des soldats, il avait au contraire une importance morale considérable. On avançait, l'ennemi se retirait, il y avait si longtemps que dans l'armée française, on ne connaissait plus ce mot si français, en avant. Après le bois se trouvait le talus du chemin de fer. Il fut emporté, comme l'avait été le bois, et bientôt les premiers coteaux pris d'assaut furent couronnés par l'artillerie et l'infanterie. Mais c'était là que la résistance réelle devait commencer. En arrière de ces coteaux se trouvaient des ouvrages défensifs qui ouvrirent un feu terrible. Les balles et les obus arrivèrent comme un nuage de grêle. Un mouvement d'arrêt se produit. On est en face des tranchées allemandes. D'où part une terrible fusillade. Quelques soldats éperdus redescendent le coteau plus vite qu'ils ne l'ont monté. Les généraux, les officiers, quelques hommes de cœur, se précipitent sur eux pour les retenir. Car si ce mouvement se généralise, toutes les troupes qui ont passé la Marne vont être repoussées et jetées dans la rivière. Au premier rang de ceux qui résistent se trouvent Michel, Antoine et le colonel, qui, à peu près abrités derrière un caisson d'artillerie, répondent à la mousqueterie des tranchées, Michel s'étant armé d'un fusil. Ce n'est point le lieu de raconter ici les phases de cette bataille. Le mouvement de recul ne se continue pas, au contraire, on avance de nouveau. D'un côté, Champigny est emporté, de l'autre, Petit-Brie est pris à la baïonnette. Puis il est repris par les Allemands, puis repris une fois encore par les Français. On se bat dans les rues, dans les jardins, dans les maisons. Michel, Antoine et le colonel sont ensemble. Le colonel, toujours en avant, entraînant ses camarades par la voix et plus encore par l'exemple. À un certain moment, quand l'ennemi accentue son mouvement offensif, il sort de derrière un mur qui l'abritait, et seul, il avance de quelques pas, tirant sans relâche et appelant ses camarades. Cependant, il faut se rapprocher du mur, alors une main le prend par le bras et l'attire. Il regarde. Cette main est celle de Michel. « Vous voulez donc vous faire blesser quand même ?» dit Michel. « Et vous ?» réplique le colonel. « Vous ne voulez donc pas vous faire tuer ?» Ces deux exclamations jaillissent de leur bouche sans qu'ils aient conscience de ce qu'ils disaient. Mais les paroles sont à peine prononcées qu'elles sont comprises par l'un et par l'autre dans toute leur étendue. Un moment, ils se regardent. Mais aux balles qui sifflent autour d'eux, il faut répondre par des coups de fusil. Ce n'est point l'heure des explications personnelles. Et ils reprennent la lutte. De nouveau, nos pièces se portent en avant, accompagnées par l'infanterie. Mais le soleil s'est abaissé. L'ombre tombe sur la campagne. Les feux des canons deviennent de plus en plus clairs. Tout à coup, le colonel sent son fusil lui glisser de la main. Le sang coule entre ses doigts, il est blessé. Cependant, comme il ne sent aucune douleur, il continue de tirer. Le feu dure encore quelques minutes, puis des deux côtés, il s'éteint brusquement. On peut regarder autour de soi et se tâter, la bataille est suspendue par la nuit. On se réunit, on se groupe, on s'interroge. « Eh bien ?»« Eh bien, » dit le colonel, répondant à cette question de son oncle, « je crois que je suis blessé. »« Blessé ? Oh, légèrement ! Je ne sens aucune douleur et mes doigts remuent facilement. » Il fait déjà sombre, on allume des allumettes, c'est au bras qu'est la blessure, une balle a déchiré les chairs qui saignent. Attiré par la lumière, Michel s'approche. « Blessé, dit-il, il faut vous faire conduire à l'ambulance. » Mais le colonel a examiné sa blessure, qui n'a pas pénétré profondément, les chairs sont seulement écorchées. « À l'ambulance, dit-il, vous ne voudriez pas, mon commandant. » Et ayant atteint son mouchoir, il prit son oncle de le plier pour lui bander le bras. Pendant que cela se fait, les soldats ont allumé des branches qui flambent. Il fait froid, la bise est glacée. Le colonel s'approche du feu et s'assoit sur son sac.